Offre de TVA sous forme de remise sur le prix maxi hors option crédit auto pour 10 000 euros empruntés, 2 000 euros d'apport, 48 mensualités de 208,34 euros. Montant total du 10 000 euros si acceptation par Ford Crédit, voire Ford.fr. Optique 2000, pour moi, les meilleurs opticiens. Alban Lucisano à Trans-en-Provence, dans le Var, nous dit pourquoi. Déjà, l'équipe d'opticiens très professionnelle. Ensuite, les conseils sur le traitement des verres par rapport à l'ordonnance d'ophtalmologie. Je trouve mes verres d'une très très bonne qualité. Il y a un devis qui m'a été remis. Le devis est parfaitement clair. C'est là qu'on voit aussi qu'il y a un véritable interlocuteur professionnel, tant au niveau optique que administratif. Je suis content du choix et de mes lunettes. Marie Évrard, l'opticienne optique 2000 de M. Lucisano à Trans-en-Provence. Ce qui est très important pour moi, c'est d'aider mes clients à bien choisir leurs lunettes en fonction de leurs besoins visuels, de leur activité, de la forme du visage et de leur confort. Et comme Optique 2000 est partenaire de nombreuses mutuelles, nous traitons tous les papiers pour nos clients. Alors Monsieur Lucisano, content d'Optique 2000 ? Très satisfait. Et en plus, il gère tout pour moi, c'est parfait. Optique 2000, c'est le leader français de l'optique avec 1200 magasins près de chez vous. Dispositifs médicaux, demandez conseil à votre opticien. RTL Matin, laissez-vous tenter avec Yves Calvi. Au-delà de nos différences. Quelle chanson de Johnny composée par David, Sylvie reprend-elle dans son nouvel album, Steven Bellery? 100% l'album le plus populaire de la discographie de Johnny. En nous appelant au 3210, vous avez gagné un lot comprenant les nouveaux albums de Sylvie Vartan et de David Hallyday, ainsi que les coffrets CD et DVD Warner des concerts de Johnny Hallyday entre 2006 et 2016. Autre grand rendez-vous, David, qui sera dans le grand studio RTL samedi avec Eric Jean-Jean, dès 14h30, tout cela en live, bien entendu. Merci à toute l'équipe, on retrouve Julien Courbet. Bonjour Julien. C'est un peu le Père Noël ce matin. C'est vrai, ça me fait plaisir. Et vas-y que je te distribue des coffrets, des ci, des là. Oui, je suis très généreux avec l'argent des autres. Il sait faire son faïeul, Calvi. Bon, ben merci pour les auditeurs, on vous souhaite une belle journée. Bonne émission, excusez-nous pour le retard. Mais il n'y a pas de souci, tant mieux, ça m'arrange, figurez-vous que je m'étais assoupi. Donc, vous m'avez sauvé le coup, je n'aurais pas été à l'heure de toute façon. Bon, ben alors bonne nuit. Allez, c'est parti. Nous allons donc maintenant régler les problèmes des auditeurs. Nous avons d'abord, pour commencer, Élie qui nous dira ce que ça dit. Je vous appelle du Val d'Oise. J'ai payé 600 euros pour un abonnement de 24 mois dans une salle de sport. Je n'ai pu en profiter que 8 mois car la salle de sport a été incendiée. Depuis, je suis comme d'autres adhérents, j'attends d'être remboursé. J'ai besoin de vous, Julien. C'est une grande première, ça, prendre un abonnement qui coûte cher quand même. Hein. Dans une salle de sport, elle prend feu. Bon, ça c'est la faute, à pas de chance, mais on ne la rembourse pas. Il y a Louis qui est directeur artistique d'une entreprise de design. Je vous appelle de Paris. Je suis directeur artistique dans une entreprise d'architecture d'intérieur et de scénographie. Et j'ai réalisé le design et la fourniture lumière d'un nouveau club de nuit. Malheureusement, on me doit toujours 8700 euros. Et pour régler tous ces problèmes, il y a les deux mères Noël. Blanche de Grandvilliers, bonjour. Bonjour Julien. Maître Fellonneau. Bonjour à tous. Hervé Pouchol. Bonjour. Toutes les équipes de Lazare, Xavier Kassovitch qui réalise. Joyeux Noël à tous. Nous vous aidons ce matin comme tous les matins sur RTL. Happy holiday. Happy holiday. Happy holiday. Happy holiday. Et pour passer en direct, bien sûr, vous pouvez faire le 3210. 50 centimes d'euros la minute. Le Facebook, la page, ça peut vous arriver. C'est gratos, tout comme RTL.fr. Si tu te fais arnaquer, pas la peine de paniquer. Faut appeler Julien Courbet. Élie est en ligne avec nous. Bonjour Élie. Bonjour. Alors Élie nous appelle d'où ? De Sarcelles, dans le Val-d'Oise. Élie de Sarcelles, dans le Val-d'Oise, parlez-nous de ce club de gym, de vos muscles qui attendent désespérément de se développer et qui ne peuvent pas le faire. Ce qui s'est développé, par contre, c'est le compte en banque de votre banquier qui lui a perçu, je crois, 600 euros, enfin, qui a été pris sur votre compte. Ce que je dis là ne veut absolument rien dire. Donc, Élie, je vais vous laisser nous expliquer. C'est très gentil. Merci beaucoup, hein, Julien. Alors, en novembre 2017, je me suis inscrit dans une salle de sport. Et pour bénéficier d'une promotion, il fallait payer 2 ans d'un coup. Donc c'était 600 euros. Donc moi j'ai fait mon chèque, hein, 600 euros, qui a été encaissé quelques jours plus tard. Et en juin 2018, la salle a brûlé. Donc j'ai essayé de prendre contact avec le gérant. C'était difficile puisque forcément il n'y avait plus rien. Hein. La salle était décimée. J'ai donc envoyé un email en disant bah, écoutez, tout d'abord désolé pour ce qui vous est arrivé, mais nous maintenant en tant qu'adhérents on fait quoi? Parce qu'on a quand même nos abonnements qui continuent. Et on me répond bah voilà, envoyez-nous une photocopie, enfin par mail, le scan de votre carte d'adhérent, le contrat d'abonnement, carte d'identité et RIB, et vous recevrez le remboursement sous peu. Bah, j'avais tout, donc j'ai tout envoyé, et puis aucune réponse. Donc j'ai relancé quelques semaines plus tard, on me répond, c'est en cours, on n'a pas encore déterminé l'origine de l'incendie, donc on attend. Bon, j'attends, je relance 2 mois plus tard, Et là, on me répond, voyez avec notre assureur MMA. D'accord. Bon, je prends contact avec MMA. Mais MMA, c'est l'assureur, c'est votre assureur ? Non, l'assureur de la salle. Voilà. D'accord, ok. Et donc ? Et donc, MMA me répond après quelques recherches, écoutez, Monsieur Krief, on est désolé, on n'a pas cette salle de sport comme client, donc le gérant vous a probablement menti. Donc, je suis revenu vers le gérant en disant, écoutez, c'est pas MMA, vous avez peut-être dû vous tromper. Et donc qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on peut faire avancer les choses ? Et là, depuis, aucune nouvelle, rien. Donc, est-ce il ne répond plus aux mails. Élie, ça voudrait peut-être dire, mais nous mettons ça au conditionnel, et nous allons appeler évidemment les personnes concernées afin qu'elles nous donnent leur version des faits, car il ne se passe rien dans cette émission sans qu'on donne la parole à la partie adverse, qu'elle pourrait ne pas être assurée, c'est ce que vous nous dites ? Ça laisse penser ça. En tout cas, le fait qu'ils ne répondent plus, bien ça relève sûr. Quand même une certaine malhonnêteté. Ce qu'on se dit aussi, c'est que quelques semaines après que la salle est brûlée, on a assisté à deux ouvertures de très grandes salles de sport juste à côté. D'ailleurs, mais avec lui aussi ? Non, concurrents. C'est des concurrents. Mais ça n'a rien à voir, ça. Ça n'a rien à voir. Bon, non, c'est pour vous dire que tous les adhérents, la plupart, on s'est retrouvés dans ces autres salles de sport à côté. C'est ce qui nous a permis de nous réunir. Aujourd'hui, on a créé un groupe pour justement nous tenir au courant et faire une action groupée. Trop de détails, tu le détailles. Donc moi, ce que je retiens, c'est que tout simplement, vous avez un abonnement dans une salle de gym, elle prend feu. Tant pis, il doit être assuré, car dans ces cas-là, maître de Grandvilliers, je suppose que, évidemment, que l'assurance de la salle couvre ce genre de choses. Oui, l'assurance est obligatoire. Effectivement, il n'y a pas de faute de la part de l'entreprise. A priori, il n'y a pas de faute de la part de l'entreprise si elles ne peuvent plus exécuter le contrat. Mais dès lors que sa prestation ne peut pas être exécutée, elle doit rembourser au prorata. Bon, ça marche. Eh bien, nous allons, si vous voulez bien, appeler tout de suite. On y va, Charlotte. On appelle donc, il y a des photos, je le rappelle, déjà sur le Facebook de cette salle de gym qui a brûlé. Vous vouliez nous rajouter un petit quelque chose, Charlotte ? Oui, parce que quand on cherche sur Google cette salle de sport, on trouve un numéro. Et quand on appelle, on tombe sur quelqu'un qui, le pauvre, n'a rien à voir. Je reçois à peu près une moyenne entre 10 et 15 par jour. Moi, c'est mon numéro professionnel. Moi, je suis mandataire indépendant et je travaille pour la société propriété privée. Je ne sais jamais si c'est un client ou si c'est des gens qui veulent joindre. Impossible de les joindre. Quand j'appelle un numéro, je tombe sur le mien. Le préjudice, il est dans le sens où je peux rater peut-être des clients, mais ça, je ne peux pas le prouver, bien sûr. D'accord. Sachez aussi qu'ils sont donc au moins une cinquantaine à s'être réunis, probablement plusieurs centaines à attendre leur remboursement. Témoignage. Bonjour, je m'appelle Monsieur Fakir Mehdi. J'ai cotisé pour 2 ans, donc j'ai versé la somme de 700 euros. On me doit encore 500 euros jusqu'à l'heure actuelle et j'ai toujours pas de remboursement. Bonjour, je m'appelle Nathalie et on me doit un montant de 450 euros. Bonjour, je m'appelle Sabah et j'aimerais avoir mon remboursement d'un montant de 600 euros. C'est partout celui-là, oui. Mais il est quand même incroyable, Bernard. C'est quand même fou. Il faut lui dire de se calmer parce qu'à chaque fois que maintenant qu'on a un problème, alors l'entend, il y a toujours ou lui ou un cousin. Lui. Alors, je suis pas tombée sur de Poucholand. D'accord, non, ça c'est vrai. Bon, écoutez, moi j'ai envie de vous dire que ce dossier, là, on a envie de faire un peu quand on l'écoute comme ça. Hein. C'est une première impression, le loup de Tasmanie. Hein. Oui, mais c'est vrai. Alors, appelons tout de suite pour essayer d'en savoir plus. Maître Felloneau et Blanche Grandvilliers, profitons que Charlotte fait ce numéro pour justement peut-être faire un petit peu de gymnastique. Je vais vous demander maintenant de lever les bras. Allez, c'est parti. En haut, en bas, en haut, en bas. On va se plier maintenant, on va essayer de toucher ses pieds. Attention, touche ses pieds, on y va. Oui, ça, c'est vrai que Maître Felloneau, au niveau des pieds, j'aurais peut-être pas dû vous demander de faire ça. Oh, est-ce que ça sonne, Charlotte ? Oui, ça sonne. Eh bien, tant mieux. Et ne me le dites pas sur ce ton-là, s'il vous plaît, Charlotte. J'ai bien senti de l'agacement. Écoutez, enfin. Est-ce que ça sonne ? Vous êtes en relation avec un répondeur téléphonique. Alors là, on appelait qui déjà ? Merci de bien vouloir. On appelait les gérants de cette salle de sport. Évidemment, cette salle de sport, aujourd'hui, elle est fermée, donc on ne peut plus la joindre directement. Mais on avait un numéro. Heureusement, au vu des photos que vous avez mises sur Facebook, parce que s'il continue à donner des cours de sport dans l'état où est le magasin, ça serait catastrophique. Donc, Élie, vous connaissez le principe de l'émission. Maintenant, Hervé et tout le monde, par tous les moyens, va essayer de joindre cette salle. Et dès que nous avons quelqu'un, il y aura la petite alerte sur l'antenne qui voudra dire. Ça y est, on a quelqu'un, nous pouvons négocier sur l'antenne. Je dois marquer une pause et dans une seconde, on attaque le cas numéro 2. C'est Louis, il a réalisé le design de toutes les lumières d'une boîte de nuit. Il attend d'être payé 8 700 euros. D'un côté, des sportifs qui veulent s'inscrire à une salle, ils ont payé, ils ne peuvent pas suivre les cours de sport. De l'autre, un artisan qui a fourni du matériel et qui n'a pas été payé. Ça démarre bien, vous êtes sur RTL, bonne journée. En France, près de 1000 cambriolages ont lieu chaque jour. Il existe pourtant des solutions pour les éviter. On en parle avec Benoît, expert sécurité Vérissure. Bonjour Benoît. Oui, bonjour. C'est vrai, les cambrioleurs ne prennent pas de vacances, mais ils profitent des vôtres. Notamment en décembre, qui détient le record du nombre de cambriolages. Vous avez un conseil pour nos auditeurs? Par exemple, à la veille des fêtes, évitez de laisser les cadeaux en évidence ou les cartons dans les poubelles le lendemain de Noël. Ah oui. Et n'hésitez pas à simuler au moins une présence les soirs de fête. Et que proposez-vous chez Vérissure pour vraiment rassurer les familles? La meilleure solution, c'est la prévention. Chez Vérissure, nous vous protégeons grâce à des systèmes d'alarme connectés à des humains 24 heures sur 24. Dès qu'une intrusion est avérée, nous alertons les forces de l'ordre. Merci Benoît pour ces précieux conseils. Retrouvez toutes les solutions Vérissure sur Vérissure.fr. Passez de bonnes fêtes de fin d'année et bonne matinée sur RTL. RTL. La curiosité est un vilain défaut. Avec Anaïs Bouton et Thomas Hugues. Germaine lui a fait voir la vie en bleu. Il est devenu rose et cubique avec Fernande. Tandis qu'Olga l'a rendu surréaliste. Je vois pas pourquoi vous riez. On vous raconte Picasso et les femmes qui l'ont inspiré tout à l'heure à 14h sur RTL. Avec Conforama, Noël est plus beau. Pour faire un cadeau trop cool à Noël, on vous propose le PC portable Asus 14 pouces à 199,99€, soit 30€ de remise. Pour un Noël 2.0 à prix confo. Conforama, jusqu'au 24 décembre, magasin ouvert dimanche. Liste et conditions sur Conforama.fr. Pendant ce temps, chez Renault... Faites durer le plaisir de conduire avec Renault Zoé et ses 300 km d'autonomie. Jusqu'au 31 décembre, profitez de Zoé à 99€ par mois et réservez votre essai au 30-23. Zoé City en location longue durée 37 mois, 22 500 km, premier loyer de 2 000€ plus 36 loyers de 99€. Si accordiaque, sous condition de reprise hors location batterie. Loyer batterie à 39€ hors mois de livraison. Offre réservée aux particuliers jusqu'au 31 décembre. Voir Renault.fr. Auchan, et la vie change. Et pendant les 125 jours Auchan, ce sont les cadeaux de Noël d'Annabelle qui changent. Avec le pack Nintendo Switch Mario Kart 8 à 299,99€ et 10€ en cagnotte. Ce pack inclut également des enfants qui hurlent et qui sautent partout tellement ils sont contents. Mieux vaut le savoir. Aujourd'hui seulement, vos hypermarchés Auchan et Auchan.fr proposent le pack Nintendo Switch Mario Kart 8 édition de luxe à 289,99€ cagnotte déduite. Auchan. Ton éco-participation 60 centimes. Montant crédité sur votre compte Wahoo, conditions en magasin et sur Auchan.fr. Noroto. C'est bon pour les niveaux de la voiture? Ah oui, c'est même super bon! Enfin, t'emballes pas quand même, t'as juste remis de l'huile. Oui, mais à prix Noroto. Noroto a déjà baissé le prix de 5000 produits. Comme l'huile Total Activa 9000 5W40, maintenant à seulement 32,95€ les 5 litres. Parce que c'est bon de ne pas mettre tout son argent dans sa voiture. Il est pas trop fort ton champion? Oui, c'est mon champion. Alors... Noroto. Conditions sur noroto.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. 9h42, alerte avec vous Hervé Pouchol, s'il vous plaît. Que se passe-t-il? Dites-nous, je crois que nous sommes sur le cas numéro 1. Eh bien absolument, j'ai eu Delphine, la gérante, mais c'est son fils qui a pris le relais au téléphone. Je vous le passe. Bonjour jeune homme, je suis Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL. Alors absolument, rien de grave monsieur. Simplement, nous essayons d'aider ce matin dans le cadre de notre émission... Un jeune homme qui lui aussi a pris un abonnement dans une salle de sport. La salle de sport de Delphine est pétrocidée et malheureusement, bon, elle a brûlé, ça peut arriver, mais lui, il voudrait qu'on lui rembourse son abonnement parce qu'il a payé 600 euros pour rien. Voilà, où nous en sommes ce matin. Ouais, ben c'est normal. Il faut en fait, sur la façade du club, il y a un mot qui est noté. Il faut envoyer tous les pièces jointes, c'est-à-dire tout ce qui est contrat, carte, etc. Et nous, on fait directement un transfert à l'assurance. Après, les délais de remboursement, nous, on n'a pas encore les délais de remboursement, sachant qu'il n'y a rien qui a été encore traité vis-à-vis des adhérents. Alors, mais simplement... ça, c'est sûr qu'ils seront remboursés. Monsieur, comment si vous me permettez, je vais vous lire un papier, Maître Felonneau. Installez-vous et expliquez-nous avec Blanche Grandvilliers de quoi il s'agit, parce qu'ils l'ont fait tout ça. Allez-y. Oui, ils ont fait tout ça en date du 9 juillet, donc ça fait bientôt 4 mois. Voilà. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà. Ça fait 4 mois et ça fait 4 mois qu'on attend aussi. Alors vous... Ils vont être remboursés. Donc le club doit être démoli, d'accord? Le bâtiment doit être démoli et reconstruit. Et vis-à-vis de tout ce qui est remboursement au niveau des adhérents, ben justement, il faut tout renvoyer comme mais ça. Mais monsieur, on, j'ai juste une question. On transfère tout à l'assurance. Écoutez-moi, laissez-moi parler. On transfère tout à l'assurance. Après, on les attend. On attend comme tout le monde. Ils font leur enquête, ils font la manie, ils font leur boulot, quoi. D'accord. Alors maintenant, je vous pose une question, monsieur. C'est très long. C'est très long parce qu'en fait, c'est pas une partie du club qui a pris feu, c'est vraiment tout le club. Donc, j'ai juste une question à vous poser, monsieur. Est-ce que vous êtes assuré chez qui? On est assuré chez AXA. Chez AXA. Ah, d'accord. MMA. Alors, Charlotte, vous avez eu MMA lors de votre enquête, qu'en est-il? Alors, c'est Ellie qui a joint directement l'assurance MMA qui lui a répondu qu'il n'avait aucun client sous votre nom, monsieur. Bah, c'est normal. Écoutez, regardez. C'est très simple. Nous, regardez, je vous explique. Nous, quand on avait affiché le mot, on avait fait l'envoyer à idealform@zeblue.fr, ok? Donc nous, on les a reçus. Ils sont tous stockés sur un fichier, d'accord? Non, monsieur, donc, on vous demande juste à quelle assurance vous êtes. Quelle est votre assurance, c'est tout? MMA, mais on va appeler MMA, MMA là. Bon, alors, je peux appeler MMA maintenant et leur demander si, comment, sous quel. Vous étiez sur idealform, assuré? Idealform, c'est ça. Bon, donc on va appeler MMA, on va leur dire MMA, bougez-vous, parce que idealform paie chez vous des cotisations et vous ne remboursez pas les clients. Maintenant, s'ils nous disent idealform n'est pas assuré chez nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas possible, on a les contrats. Donc ah bah alors, on va les appeler en sort, monsieur. On va les appeler en sort et comme ça, on va leur demander. Et vous allez nous aider pour vos clients, monsieur, à accélérer la manœuvre parce que vous, vous n'y êtes pour rien, ça a pris feu. Il faut maintenant, effectivement, que l'assurance se bouge un peu. Alors, vous donnez les numéros à Charlotte et on y va, on appelle, vous récupérez ça. Allez, dans une seconde, le temps de préparer tout ça. Ça, c'est la bonne nouvelle, Élie. Ce monsieur va nous aider et puis on attaquera le cas numéro 2. Autre chose à dire, Blanche, sur ce qu'on vient d'entendre? Non, il faut qu'il nous donne le numéro de contrat puisque les assurances MMA nous ont dit qu'elles ne connaissaient pas cette société. Bon, peut-être aussi que Louis a appelé, non, c'est pas Louis, Élie a appelé à MMA. Moi, j'ai une trace écrite par mail, c'est des échanges de mails que j'ai eu avec le siège national d'MMA. Waouh! Me disant, ce client, dont il n'est pas connu de nos services à l'échelle nationale. Donc, j'ai une trace par mail, j'ai même le nom de la personne qui m'a répondu. Bon, super, on va l'appeler. Attendons, laissons la chance à ce monsieur qui est en train d'expliquer à Hervé qu'il l'est vraiment. On va voir quoi. Le deuxième cas va démarrer dans une seconde. C'est Louis, il a réalisé le design de toutes les lumières pour une boîte de nuit. Le gérant de ce club lui doit 8 700 €. Louis, qui est le prénom le plus utilisé dans les commissariats, vous le savez, hein. En général, quand on dit c'est vous qui avez fait ça, non, c'est pas moi, c'est Louis. Et je vous assure. Et donc, ils ont une référence. Oui, ça vous fait rire, ça, maître. Oui, ça vous fait êtes rire. Hilar, c'est bien, tant mieux. C'est déjà un petit pas vers notre rencontre. Ou bien pilote Formule 1. En attendant, je me déguise. C'est vrai que tous les costumes me vont bien. Le rouge, le noir, le blues, l'espoir noir. De toutes les couleurs, je m'en vois. C'est comme ça, qu'est-ce que j'y peux? C'est comme ça, qu'est-ce que j'y peux? Voudrais savoir ce que tu veux. Voudrais savoir ce que tu veux. C'est comme ça, qu'est-ce que j'y peux? C'est comme ça, qu'est-ce que j'y peux? Voudrais savoir ce que tu veux. Voudrais savoir ce que tu veux. Chacun son destin. Heureusement, quand j'étais petit, je ne chantais pas « Quand je serai grand, je serai Bee Gees ». Parce que franchement, j'aurais fait un drôle de Bee Gees, je vous le dis tout de suite. Christophe Willem, double jeu. Nous avons lancé un premier cas, un cas avec cette salle de gym. Élie a payé 600 € pour 2 ans d'abonnement dans une salle de sport. La salle a été incendiée. Maintenant, il attend le remboursement. Et nous essayons de savoir si la salle était assurée ou pas. Où en êtes-vous, Hervé Pouchol, rapidement? Le problème, c'est que j'arrive pas à en placer une. Il me dit chaque fois de me taire. Chaque fois que je dis « ouf », donc c'est pas possible. Alors, que ce monsieur reste en ligne, car nous allons appeler la grande assurance et le contact qu'a Élie, puisqu'il les a déjà appelés, où on lui aurait dit ils ne sont pas assurés, ces gens-là. Et là, ça devient grave et le dossier basculera dans autre chose. Donc j'espère vraiment, pour Delphine et Petros, ID, les gérants de la société Idealform, que nous allons pouvoir apprendre qu'ils sont assurés. Et ça, ça va se passer dans quelques instants sur l'antenne d'RTL, avec l'équipe qui ne lâche rien, pour essayer de régler vos problèmes. Un deuxième cas démarrera ensuite, mais sachez que tous les matins, par la bonne humeur et le dialogue, nous essayons de vous aider. On augmente votre pouvoir d'achat à notre manière. Vous êtes sur RTL. Pour la météo, c'est pas un cadeau, mais en exclusivité chez Feu Vert, pour l'achat de pneus Michelin, vous avez jusqu'à 80 euros offerts. Et ça, c'est cadeau. Voir conditions sur feuvert.fr. Rétro chic, métal doré ou forme graphique, grâce à Grand Optical, j'ai le choix entre tous les styles de lunettes pour me faire plaisir à Noël. C'est Noël chez Grand Optical. Pour l'achat d'une paire de lunettes, nous vous offrons une paire de solaires. Avec Grand Optical, offrez-vous le meilleur de la santé visuelle. Grand Optical, rien n'est trop grand pour moi. Et moi. Du 4 décembre au 8 janvier, voir conditions en magasin et sur grandoptical.com. Dispositif médical CE. Et si on parlait Renault Occasion ? Chérie, montre à Martin nos photos de vacances. Alors ça, c'est notre Clio d'occasion, devant la plage de Biarritz. Et là, notre Clio d'occasion dans un village typique plus au sud. Ça a l'air beau ce village, enfin derrière votre Clio. Et là, c'était la soirée tapas derrière notre Clio d'occasion. Ah oui, on peut pas la rater là. Vous allez être fiers de votre occasion. Avec Renault Occasion, bénéficiez de 3 ans d'entretien et de garantie pour 1 euro. Depuis le 1er janvier 2018, bénéficiez aussi de la prime à la conversion gouvernementale chez Renault Occasion. Conditions sur Renault.fr. Chers voyageurs, notre route continue direction la forêt des sapins de Noël. Regardez, ce ne sont pas moins de 50 gigas de data qui sont tombés cette nuit. Et ce qu'il y a de plus beau, c'est que vous allez pouvoir tous en profiter. À Noël chez SFR, on remplit sa hotte de gigas. Jusqu'au 7 janvier, le forfait Power 50 gigas 4G+, est à prix cadeau. 10 euros par mois pendant un an, puis 25 euros. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre soumise à condition, réservée aux nouvelles souscriptions. Prix client box, engagement 12 mois, 4G+, sous réserve de couverture avec terminal compatible. Avec le service après-vente Peugeot, entretenez l'émotion. Les experts Peugeot vous accompagnent à chaque moment clé de la vie de votre véhicule. Pour son passage au contrôle technique, ils s'occupent de tout. Et pendant que votre véhicule est immobilisé, ils vous en prêtent un, pour rester libre de vos mouvements. En ce moment chez Peugeot, le pack contrôle technique avec pré-contrôle, contrôle technique et véhicule de remplacement est à 99 euros, quelle que soit la marque de votre véhicule. Prenez rendez-vous sur Peugeot.fr. Voir conditions en ligne. Carrefour, on a tous droit au meilleur des Noëls. Pour Noël chez Carrefour, l'enceinte à commande vocale Google Home Mini est seulement 19,90€ au lieu de 59€. Non mais 19,90€ seulement ! Parfait pour mes cadeaux de Noël ! Résultat des courses, Google Home Mini pour papa, pour mamie, pour tante Anne. Ok Google ? Jusqu'au 18 décembre dans vos hypermarchés Carrefour, profitez de l'enceinte à commande vocale Google Home Mini à seulement 19,90€ au lieu de 59€. Carrefour. Garantie 2 ans, différents coloris, offre valable à partir de 150€ d'achat hors Google Home Mini. Offre, modalité et magasin Carrefour participant sur carrefour.fr. RTL, on a tellement de choses à se dire. Chaque jour, des milliers de personnes atteintes de cancer luttent contre leur maladie. Depuis 100 ans, les bénévoles de la Ligue contre le cancer sont là pour leur apporter soutien et réconfort. Vos dons permettent d'aider au quotidien les personnes malades. Soutenez la Ligue contre le cancer. Rendez-vous sur ligue-cancer.net. Merci. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Le 9h30, 11h sur RTL, avec cette salle de gym, nous pensions que c'était un cas relativement facile. Il a l'air beaucoup plus compliqué. Ellie a payé 600 euros pour 2 ans d'abonnement dans sa salle de sport. La salle a pris feu et maintenant il attend tout simplement d'être remboursé. Alors vous avez vu que nous avons eu cette personne en ligne qui parlait beaucoup, nous l'avons laissé parler. Il nous a dit, mais si on est assuré, on est chez MMA. Or, Ellie a envoyé, a téléphoné à MMA, qu'il lui aurait même envoyé un courrier en lui disant « On n'a aucune trace d'un abonnement chez ce monsieur ». Alors Hervé a continué la conversation. Comment ça s'est passé Hervé ? Pas terrible, parce que j'ai pas pu en placer une. Tout ce que j'ai compris, c'est qu'il me disait « Nous sommes assurés ». Vous imaginez ouvrir une salle de 1700 m² et ne pas être assuré, faudrait être bête. Nous ne sommes pas bêtes, nous sommes assurés. Maintenant, il faut que les adhérents nous envoient leur dossier et ils seront remboursés par MMA. Ça a été fait, ça Élie, plein de fois. Ah oui, à plusieurs reprises voilà, même. Donc il se passe rien, donc il faut vraiment qu'on sache s'ils sont assurés ou pas. Donc nous allons et nous essayons par le biais de Charlotte d'avoir MMA. Je vous écoute Charlotte. Alors j'ai eu MMA et malheureusement la personne n'a pas été capable de retrouver un contrat au nom de la société ni de son gérant. Cependant, elle me dit que ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas assurés chez eux. Il nous faudrait vraiment le numéro de contrat pour que ce soit plus simple à retrouver. Elle fait des recherches. Et vous lui avez demandé, Hervé, impossible de l'avoir. Non, il n'avait pas les documents chez lui. Donc nous lançons un appel parce que là ce que nous avions, c'était pas le gérant, c'était le fils. Mais les gérants, c'est Delphine et Petros Idé. Idé, c'est le nom de famille. Idé. Delphine et Petros Idé, qui sont les gérants de la société Ideal Form, qui se trouve à Sarcelles, chemin des Lavandières. Merci de nous donner le numéro d'assurance de la salle, que l'on puisse faire accélérer les choses pour tous les adhérents qui n'ont pas pu être remboursés. Je me suis permis de déranger Éric Lemaire et le directeur de la communication d'AXA. Il n'a strictement rien à voir dans ce dossier, mais il peut peut-être nous expliquer ce qui se passe. Monsieur Lemaire, bonjour. Bonjour. Ma question est la suivante. Quand on a comme ça un établissement public, l'établissement prend feu, et s'il n'y a pas d'assurance, qu'est-ce que peuvent faire les adhérents dans ces cas-là? Alors, ce n'est pas un établissement public, c'est un établissement qui reçoit du public. Qui reçoit du public, pardon. Sportive, oui. Hein, visiblement. Bah, écoutez, c'est très grave, parce que déjà, s'il y a un incendie, bah, normalement, il n'y a pas d'indemnisation du tout. Donc, vous avez la perte des murs, vous avez les pertes des machines, etc. Enfin, donc, c'est extrêmement grave. Et puis, évidemment, l'activité s'arrête. Donc, c'est le dépôt de bilan. Le dépôt de l'activité, parce que pour reconstruire tout ça sans aucune indemnisation de la part des assureurs, ça va quand même être très difficile. Mais pour les clients, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est du pénal, il faut qu'ils déposent plainte. Eh ben, il faudra qu'ils se retournent contre le gérant pour essayer de récupérer. Ce sera dans la liste des débiteurs, parce que il va certainement déposer le bilan. Je vois pas trop comment il va pouvoir faire autrement, à moins qu'il ait d'autres salles de sport, qu'il ait des situations de rechange, mais j'en suis pas certain. Non, c'est assez dramatique pour eux, effectivement. Maître Félonneau ? Alors, effectivement, l'incendie, c'est une cause de force majeure. C'est vraiment, par définition, la force majeure qui fait quand une activité peut cesser. Et on a des créanciers qui restent sur le carreau, dont les abonnés. Sauf que, ce qui est très amusant dans ce dossier, c'est qu'il y a eu peut-être une assurance spéciale ou négociée, je ne sais pas, puisque le propriétaire de cette salle a demandé à ses clients de suivre une procédure pour avoir un remboursement. Alors, est-ce qu'il souhaitait réaffecter une assurance perte d'exploitation, etc., au remboursement de ses clients? On n'en sait rien, puisque nous avons simplement des échanges de mails qui offrent une indemnisation. Merci, voilà. Monsieur le maire, nous vous avons dérangé, nous voulions en savoir plus. Merci beaucoup, Axa. Bonne journée. Bon, Élie, nous continuons et nous interpellons Delphine et Petrocidé, gérants de la société Ideal Form. Il nous faut absolument le nom de l'assurance pour aider leurs salariés. Ça va dans leur sens, hein, et pour que ceux-ci puissent être remboursés. Deuxième cas dans une seconde. Louis, il a travaillé sur l'aménagement intérieur d'une boîte de nuit. Il attend d'être payé. Et puis, on rappelle que d'ici la fin de l'émission, il y aura la Minute Animale avec Blanche de Grandvilliers. Nous aimons les animaux, nous voulons les protéger. Blanche, qui est très impliquée dans cette cause, nous parle des différentes avancées. Vous êtes sur RTL, c'est le 9h30, 11h. Belle journée à vous tous. Et si on parlait Renault Service ? Bonjour, c'est Monsieur Richard. Brrr, le froid arrive. Dites, pour que votre voiture passe bien l'hiver, vous n'allez quand même pas lui tricoter une couverture. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Non, la solution, c'est le bilan sécurité hiver chez Renault Service. Et c'est le moment, il est offert. Voyez, inutile de vous mettre au point de croix. En plus, si vous deviez changer votre batterie, Renault reprend l'ancienne, 15 euros. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault ? Offre réservée aux particuliers, voire conditions sur Renault.fr. Intersport. Avant, Philippe prenait son temps pour trouver ses cadeaux. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Mais depuis qu'il sait que l'offre Nike est en quantité limitée... Ouais, finalement, je vais courir. Jusqu'au 9 décembre, célébrons Noël chez Intersport. Avec une sélection de produits Nike jusqu'à moins 50%. Par exemple, les chaussures Nike Air Max Command Flex Junior sont à 49,99€ au lieu de 99,99€. C'est 50% de réduction et 100% d'idées cadeaux en plus. Intersport, le sport, la plus belle des rencontres. Conditions et liste des magasins participants sur intersport.fr. Cette semaine, avec Télé 7 jours, achetez le CD des plus belles chansons de Noël. La totalité des bénéfices permettra d'offrir des cadeaux aux enfants hospitalisés avec l'opération 100 Noël dans 100 hôpitaux. Le CD de Noël, plus votre magazine, 3,90€ seulement. Votre Intermarché de Noël vous propose d'écouter le prix du jour. Tu sais, à ton âge, j'avais le droit à une clémentine pour Noël. À ce prix-là ? Mais je sais pas, on fera dans tes parents. Aujourd'hui, le mini-colis de 2,3 kg de clémentine est à 1,99€. Et c'est seulement jusqu'à ce soir dans votre Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Soit 87 centimes le kilo. Variété Clémenoulès, calibre 3-4, catégorie 1, origine Espagne. Passons retrait à l'avant-centre qui tire et c'est le but ! Ça, c'est ce qui se passe dans la tête d'Alex quand il comprend enfin la règle d'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir. Quel que soit le niveau ou la matière, Acadomia propose toute l'année, dans ses 110 centres, des cours collectifs hebdomadaires pour revoir les notions clés et travailler la méthodologie. Appelez-nous ou renseignez-vous sur acadomia.fr. Acadomia. Comprendre, ça s'apprend. Holiday on Ice fête ses 75 ans. Plongez dans la magie du plus grand des spectacles sur glace avec les meilleurs patineurs artistiques mondiaux. Holiday on Ice, au Palais des Sports de Paris, du 28 février au 5 mars 2019 et en tournée dans toute la France. Plus d'infos sur holidayonice.com. Flavie Flamand. On est fait pour s'entendre. Sur RTL. Du chocolat quand on est triste, un burger quand on est frustré, une pizza quand on est en colère. Pourquoi compensons-nous nos émotions négatives avec la nourriture? On se réconforte cet après-midi de 15h à 16h dans En effet pour s'entendre sur RTL. RTL, on a tellement de choses à se dire. Oui, RTL, c'est vrai qu'on a tellement de choses à se dire. Et nous allons nous les dire après les infos. Le 9h30, 11h revient dans une seconde. What's the sense in sharing this one and only life? Il est 10h. Agnès Bonfillon pour les informations. Bonjour Agnès. Bonjour Julien, bonjour à tous. Les forces de l'ordre se préparent à une stratégie plus offensive en cas d'acte 4 des Gilets jaunes samedi à Paris. Objectif évidemment, éviter les violences de la semaine dernière. Plusieurs appels à se mobiliser circulent sur les réseaux sociaux malgré les annonces faites par Édouard Philippe hier. Le président des Républicains Laurent Wauquiez réclame l'instauration provisoire de l'état d'urgence pour éviter, je cite, un nouveau samedi noir. Avant le débat qui aura lieu cet après-midi à l'Assemblée nationale, Benjamin Griveaux évoque pour sa part, pour la première fois, une éventuelle suppression pure et simple des taxes sur le carburant. Le porte-parole du gouvernement était l'invité d'Elisabeth Martichoux ce matin sur RTL. Le mouvement des Gilets jaunes a un effet boule de neige sur les agriculteurs en raison d'un agenda remanié au Conseil des ministres ce matin. Report des ordonnances de la loi alimentation au mois de janvier, voire février. Ces ordonnances devaient pourtant assurer au plus vite une meilleure rémunération des producteurs. Levée de l'alerte au tsunami en Nouvelle-Calédonie. Deux séismes se sont produits en 2 heures au large de l'archipel, 7,5 et 7 sur l'échelle de Richter. Aucun dégât n'est à déplorer selon la sécurité civile, mais une partie du littoral a été évacuée. En foot, les Dogues Lillois à la 2e place du classement de Ligue 1 après leur victoire à Montpellier hier, 1-0. De son côté, Monaco reprend une bouffée d'oxygène, victoire 2-0 face à Amiens. Je vous rappelle que 2 matchs sont reportés samedi en raison des manifestations des Gilets jaunes. Il s'agit de PSG Montpellier et Toulouse-Lyon. 2,89 millions de dollars adjugés vendus. C'est à ce prix qu'une lettre manuscrite d'Albert Einstein mettant en doute l'existence de Dieu est partie aux enchères. C'était hier à New York. La bourse de Paris ouvre en net repli ce matin, moins 0,99% dans le sillage de Wall Street. Le CAC 40 perd 49,48 points. La météo, encore des nuages accompagnés de quelques averses sur les régions situées au nord de la Loire à l'Île-de-France en remontant vers le nord et le nord-est. C'est surtout cet après-midi que le temps va être vraiment maussade sur le nord-ouest du pays, la Bretagne, l'ouest de la Normandie et les pays de la Loire. Les pluies seront soutenues, le vent soufflera assez fort et des orages sont possibles. Plus on ira vers le sud, plus le ciel se dégagera. Côté température, cela reste encore très agréable pour un 5 décembre, 8 à Strasbourg cet après-midi, 10 à Metz et Mulhouse, 12 à Alençon et Lille, 13 à Paris et Nevers, 14 à Nantes et La Rochelle, 16 à Bordeaux, 17 à Marseille et Nice, 18 à Agen ou encore 19 à Toulouse. Fabriqué en France, les oreillers et couettes Colas Normand vous apportent une récupération optimale. Oreillers et couettes Colas Normand, chaque matin, partez gagnant. Les courses à Vincennes aujourd'hui, les pronostics de Dominique Cordier, les voici. Il vous conseille de jouer le 12, le 13, le 11, le 5, le 3, le 10 et le 7. Dernière minute, le 11. 10h03 sur RTL. Il n'arrête pas de regarder ma feuille. Il me stresse. Le bonheur de retrouver Julien Courbet et son équipe. J'étais en train, je vais vous dire la vérité, de vous sentir. Et vous avez le même parfum depuis que je vous connais. Ça fait quand même pas mal de temps maintenant. Est-ce que je me trompe? J'ai envie de vous dire oui pour vous embêter. Non, vous ne me sentez pas si souvent que ça, monsieur Courbet. En tout cas, les endroits que j'ai sentis, ce sont toujours les mêmes, en tout cas. Ça, vous ne pouvez pas vous dire. Vous avez raison. Non, mais c'est vrai. Vous avez emmené. Merci beaucoup. À tout à l'heure, 11h, pour d'autres infos. Faisons, s'il vous plaît, déjà l'éloge de cette équipe qui, chaque matin, essaie de transformer votre quotidien Noël en réglant vos problèmes et en vous enlevant une épine du pied. Ils sont tous là. Welcome to the 9h30, 11h d'RTL. It's the most wonderful time of the year. Et joyeux Noël à tous avec Blanche de Grandvilliers, Maître Fellono, Hervé, toutes les équipes et le point info sur tout ce qui s'est passé depuis 9h30. Le point sur tous les cas, c'est la Minute Info. Nous avons démarré avec Ellie, Céline. Sa salle de sport a été incendiée, impossible de profiter de son abonnement. Il attend donc d'être remboursé. Nous avons eu le fils apparemment des gérants. Très compliqué de dialoguer avec lui sur l'antenne. Très compliqué de dialoguer avec lui hors antenne. Il nous dit on est assuré. Si on n'était pas assuré, on serait fou. D'accord, mais donnez-nous le nom de l'assurance. On nous donne un nom d'assurance. Quand on les appelle, ils disent on ne retrouve pas cette salle de sport. Hervé dit bon, peut-être qu'il faut le numéro de contrat. Et je l'ai rappelé pour avoir le numéro de contrat et je me suis fait copieusement insulté. Il m'a demandé de communiquer uniquement par mail. Faisons-le. Et d'arrêter de le déranger. Faisons-le, envoyons un mail, mais nous demandons quand même, parce que c'est grave ce qui est dit sur cette antenne, il se pourrait, je mets ça bien sûr au conditionnel, je ne dis en aucun cas que c'est le cas, qu'il ne soit pas assuré. C'est pour ça qu'il faut que Delphine et Petros Idée rassurent tout le monde en nous disant, ou par mail s'ils le souhaitent ou sur l'antenne, nous sommes assurés, voici notre numéro de contrat. Et ça irait dans leur sens, puisque nous, ça nous permettrait d'appeler l'assurance en leur disant, assurance, soyez sympa, accélérez le mouvement pour tous ceux qui ont payé 600 euros et qui ne peuvent pas aller profiter de cette salle de gym blanche. Oui, et dans l'hypothèse où effectivement l'établissement n'est pas assuré, il y a des sanctions pénales, ce qui permettrait à tous ces adhérents qui n'ont pas été remboursés de déposer une plainte et de se constituer partie civile pour avoir un remboursement. Allez, Delphine et Petros, IDE et gérant de la société Idéal Fort, merci de nous dire si vous êtes assuré ou non, ça fera gagner du temps à tout le monde. Le deuxième cas va être lancé, il a été lancé, c'est Louis. On va aider un professionnel à récupérer plus de 8000 euros. Il a travaillé sur le projet d'une boîte de nuit et n'a jamais été payé. Il arrive dans une seconde sur l'antenne d'RTL. Il y aura bien sûr aussi la farandole des cas qui bloquent, vous le verrez. Nous ne lâchons jamais les affaires. Et puis voilà, si vous entendez quelque chose qui vous rappelle une mésaventure, n'hésitez pas, vous nous appelez, moi aussi, 3210, ou vous nous envoyez votre cas sur le Facebook, la page, ça peut vous arriver. Joyeux Noël à tous, à tout de suite pour un deuxième cas inédit sur RTL. Rentrer chez soi, savoir que ses moindres désirs sont exaucés. Tout est rangé, lavé, repassé, comme on l'aurait fait, sauf que l'on n'a rien fait. Sinon, demander et être écouté, être compris, être conquis. Avec Shiva, ménage et repassage à domicile, vous allez adorer rentrer chez vous. Retrouvez-nous au 0811 46 46 46 au prix d'un appel local ou sur shiva.fr. Avec Conforama, Noël est plus beau. Quand vous voulez faire des cadeaux qui sortent du lot, nous, on propose l'ensemble Hoverboard plus Hovercart Flyblade à 139 euros, soit 50 euros de remise. Un cadeau surprenant à prix renversant. Conforama, jusqu'au 24 décembre, magasin ouvert dimanche, liste et conditions sur conforama.fr. Votre Intermarché de Noël vous propose d'écouter le cadeau du jour. Et il est pas un peu bizarre ton sapin? Bah non, il est normal. Dès aujourd'hui, pour l'achat d'un sapin Norman, Intermarché vous offre jusqu'à 15 euros en bon d'achat. Et c'est seulement jusqu'au 9 décembre dans votre Intermarché. Après, il sera trop tard. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Montant du bon d'achat variable en fonction de la taille du sapin. Modalité magasin participant sur noël.intermarché.com. Et si on parlait Renault Service ? Bonjour, c'est Monsieur Richard. Le froid arrive. Dites, pour que votre voiture passe bien l'hiver, vous n'allez quand même pas lui tricoter une couverture. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Non, la solution, c'est le bilan sécurité hiver chez Renault Service. Et c'est le moment, il est offert. Voyez, inutile de vous mettre au point de croix. En plus, si vous deviez changer votre batterie, Renault reprend l'ancienne, 15 euros. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault ? Offre réservée aux particuliers, voire conditions sur Renault.fr. Les défis Soch. Imaginez un chant de Noël. Je suis passé chez Soch. Une superbe promo se cache dans ses cadeaux. Hey, en chaussons, dans ce salon, célèbre en chanson, en chanson, en chanson. Jusqu'au 10 décembre, 9h, profitez du forfait 50 gigas à 9,99€ par mois pendant 12 mois, puis 24,99€ par mois sur Orange, le réseau mobile numéro 1. Et vous, quand est-ce que vous pâchez ces chausses? Rapport ARCEP 2018. Promotion valable en métropole pour toute nouvelle souscription à un forfait 24,99€ par mois. Détails sur soch.fr. Soch ! Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Et j'accueille Louis sur l'antenne d'RTL qui va pouvoir nous raconter son histoire. Bonjour Louis. Bonjour. Louis, vous nous appelez d'où ? Je vous appelle de Paris. Alors Louis, vous êtes directeur artistique d'une entreprise de design et architecture d'intérieur et scénographie. Donc vous pouvez créer des jeux de lumière pour des scènes, etc. Exactement. Mais racontez-nous pourquoi vous êtes sur RTL ce matin, Louis. Alors, c'est en fait malheureusement assez simple. On a été mandaté pour effectuer le design lumière d'un nouvel établissement de nuit qui appartient à un groupe, hein, qui a déjà plusieurs boîtes, plusieurs restaurants. On leur a fait signer un contrat de mission, un devis. Donc, on a commencé à effectuer le travail. pendant ce temps, en fait, on a réalisé, notre client a réalisé que son chantier avait du retard. Il nous a donc commandé une installation temporaire, une installation lumière temporaire. Qui a nécessité un deuxième devis. Exactement, donc, un deuxième devis. Pour que tout le monde comprenne bien, il y a un premier devis global qui est de combien ? De 5600, si je ne me trompe pas. 5600. Et puis là, ils vous disent, attention, on ne va pas pouvoir faire ce que l'on vous a demandé pour l'instant. Donc, il faut que vous nous... En attendant qu'on fasse les 5600, il faut que vous nous bricoliez. Hein, j'exagère, autre chose. À combien ? 12 000 euros. Le bricolage coûte plus cher, en fait, que... Vous non, mais attendez, je plaisante quand je dis bricolage. C'est simplement des honoraires. Simplement des honoraires de design. D'accord, donc 12 000 euros. Donc, au bout du compte, qu'est-ce qui se passe après ? Alors, ce qui est un petit peu particulier, donc pour les honoraires, ils nous ont versé 50%. On commence à travailler, on commence à effectuer le design de son club. Et pour cette facture d'installation temporaire, qui est assez étrange, c'est que nous connaissant un petit peu le profil du client, on a exigé un paiement à 100%. Et là, ils nous ont envoyé une fausse preuve de virement pour la totalité du montant, et on s'est rendu compte 2 jours plus tard, quand le virement est arrivé, qu'ils avaient envoyé en fait 50%. Bon, alors attention, depuis, je vais refaire le loup de Tasmanie, de parce que là vous êtes en train de me dire c'est une... Alors déjà, loup de Tasmanie, quand on entend ça, c'est la première fois, je crois d'ailleurs, depuis la création de l'émission, donc on a une fausse preuve de virement, on a eu des chèques... C'est la première fois aussi. Mais alors, ils vous ont imité un virement. Bah, écoutez, je suis pas expert bancaire, mais oui, c'est en tout cas, vous voyez, un document, genre screenshot de virement bancaire. Hein. Quand vous faites un virement, vous avez un numéro, etc. Alors, je vais demander ça avec le bon montant. À la comtesse de Sévigné de nous en dire un petit peu plus. Ça m'est déjà arrivé, Julien. En fait, le client, très souvent, parfois les clients me disent j'ai réglé vos honoraires et m'envoient un screenshot et en fait, juste derrière, ils l'annulent, par exemple. Ah, ils l'annulent. Voilà, ils annulent l'ordre de virement ou alors il n'y a pas assez d'argent sur le compte pour qu'il soit fait et le virement n'est pas fait. Aujourd'hui, ils vous doivent combien exactement? 8 700 euros en tout, ce qui correspond à 50% de notre facture d'honoraire et 50% de la deuxième facture, donc cette facture d'installation temporaire. Louis, c'est quand même beaucoup de travail et beaucoup d'heures de travail qui ont été facturées non payées. Est-ce que ça met maintenant votre société, peut-être pas en difficulté, mais vous tirez un petit peu la langue ? Bien sûr, vous vous doutez bien, nous sommes une TPE, nous n'avons pas de budget légal. C'est bien sûr une somme conséquente. Vous vous rendez bien compte que on a évidemment des architectes, on travaille avec des freelances, on travaille aussi avec des professionnels à qui on loue du matériel, notamment pour effectuer cette installation temporaire, des gens qu'on doit payer comptant. Hein. Donc une dette comme ça grève évidemment notre trésorerie. Bon. Donc c'est absolument exclu qu'on puisse laisser un truc pareil. Nous allons essayer de les appeler. Oui, allez-y, Louis. Je termine juste sur un point. En fait, cette histoire m'a choqué. J'ai tapé le nom de ce client sur Internet. Et en fait, j'ai vu que vous aviez eu un cas relativement similaire pour un de ses précédents établissements, je crois, il y a 2 ans. Ah, alors Charlotte nous en dit plus, ça tombe bien. Oui. Alors Charlotte va vous en dire plus. Vous avez, bravo en tout cas, dites non. Oui. Vous devriez peut-être changer de métier et devenir Colombo. Ah non, merci pour votre Charlotte. C'était en septembre 2016 et effectivement, on avait déjà eu affaire à ces personnes. Le cas avait été réglé, mais avec un petit peu de difficulté quand même. On avait eu du mal à joindre les personnes. Sachez quand même que ces bars qui sont concernés sont des endroits très connus et très branchés à Paris. Donc c'est très surprenant d'avoir affaire à des impayés. On va les appeler parce que maintenant, Louis a besoin évidemment d'avoir son argent pour que l'on aille danser sous ses lumières. Macumba, elle danse tous les soirs sous les lumières de Louis qui lui, on le raque pas. Oh Macumba. On y va Louis dans quelques instants. Laissez-moi préparer les numéros le temps de que ce monsieur vous dise peut-être. Pardonne-moi, j'ai pas pu le payer. C'est Johnny Hallyday. Pardonne-moi, nouvel extrait de cet album qui cartonne sur RTL. Pardonne-moi si les silences au fond de moi m'ont rendu sourd. Si les grands soirs ne valent plus rien, quand vient le jour, j'aimerais t'aimer comme il se doit. Pardonne-moi. Pardonne-moi si tu rêvais d'un autre moi, d'une autre vie. Comment pourrais-je tromper la mort quand elle sourit? Encore une fois, encore une nuit, pardonne-moi. Si le monde ne

pour rester libre de vos mouvements. En ce moment chez Peugeot, le pack contrôle technique avec pré-contrôle, contrôle technique et véhicule de remplacement est à 99 euros, quelle que soit la marque de votre véhicule. Prenez rendez-vous sur Peugeot.fr. Voir conditions en ligne. Le Noël inoubliable de Bouygues Télécom. Valentine de Valence rêve de s'offrir un smartphone dernier cri pour Noël. Seulement voilà, vu que le 25, Valentine rêve aussi d'abreuver de cadeaux sa famille, elle se dit que cela va devoir attendre. Eh bien Valentine, non, ne vous privez pas. Pour Noël, chez Bouygues Télécom, le Samsung Galaxy S9 64Go est à 1€ plus 8€ par mois pendant 24 mois grâce au forfait Sensation avec avantage smartphone 70Go. Rendez-vous vite en boutique Bouygues Télécom. Offre soumise à condition, engagement 24 mois, 193€ avec la reprise de votre mobile. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. C'est parti pour le cas de Louis, directeur artistique d'une entreprise de design qui a un impayé. Le gérant de cette boîte de nuit lui doit 8 700€ depuis octobre. Ce sont des établissements connus et on ne comprend pas pourquoi il ne paie pas. Nous essayons d'appeler Charlotte, nous l'avions déjà appelé il y a quelques temps pour un autre établissement et finalement nous avions réussi à résoudre le cas, mais après de nombreux appels. Voyons ce qu'il en est maintenant. Allô, oui. Oui, bonjour Arnaud. Oui. Bonjour Arnaud, je me présente, je suis Julien Courbet, nous sommes sur la radio RTL. Arnaud, je suis navré de vous déranger, je suis avec Louis de Castro qui vous explique le but de son appel ce matin. Louis, c'est à vous. Bonjour Arnaud, tu m'entends bien? Allô? Il nous entend. Allô? Il vous entend Louis, allez-y, parlez oui, s'il vous plaît. D'accord. Arnaud, je me permets j'ai soumis ce cas à Julien, puisque comme tu sais, on a toujours ces deux factures impayées. On vous a relancé un certain nombre de fois sans aucune réponse. Donc nous, on est dans une situation où malheureusement, on ne peut pas attendre. On n'est pas du tout, on n'a pas la trésorerie pour pouvoir encaisser et attendre ce genre de somme. Donc il faut qu'on arrive à trouver une solution, ou au moins il faut que tu puisses nous proposer quelque chose, un échéancier ou quelque chose. Bah voilà, et vous la proposez, l'échéancier. Ouais. L'échéancier, mais... c'est première traite maintenant, la deuxième au tribunal, comme on dit quand on plaisante avec quelqu'un. Ouais. Non, je plaisante. Donc il a raccroché, c'est bien dommage. Donc nous avons donné la possibilité, on restait Charlotte, de laisser parler ce monsieur Arnaud Frisch. On n'est pas là pour l'ennuyer, ce monsieur Arnaud Frisch. On essaie juste de lui faire comprendre qu'il a plein d'établissements. Il énormément, est gérant de la société Wanderlust. Alors qu'est-ce qu'il a comme établissement? Il est en ligne. Vous êtes sur la ligne. On va lui laisser un message. Ça, je peux vous dire qu'on connaît bien. Alors attendez. Veuillez laisser votre message après le bip. Oui, monsieur Frisch, Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL. Nous ne voulons pas vous embêter, nous essayons d'aider Louis qui est dans une situation quand même de trésorerie très difficile puisque la société Wanderlust lui devrait beaucoup d'argent, 8 700€, il y a beaucoup d'établissements. Donc vous pourriez peut-être essayer de dialoguer avec lui pour trouver une solution parce que lui risque de fermer à cause de vous. Si on en reste là, je vous donnais la possibilité de vous exprimer, je vous donnais la possibilité de nous dire oui, on peut trouver une solution. Vous nous avez raccroché au nez, mais rien n'est perdu. Vous pouvez nous rappeler au numéro que Charlotte va vous laisser maintenant à n'importe quel moment. Alors oui, alors il y a plein d'établissements, maître Filono, dites-moi. Oui, notamment ce Wanderlust qui est un haut lieu de ça la... Ça se trouve où, le Wanderlust? Alors ça se trouve au truc vert, vous savez, aussi le musée de la cité de la mode, pont d'Austerlitz, il y a une terrasse... Moi, je ne sors pas beaucoup, donc je ne sais pas. Oui, mais alors, pas vous savez, je ne sais pas. Je t'explique. Okay. Et donc, enfin, vous devriez vous mettre à la page, parce que moi, je pense que vos enfants connaissent bien. D'accord. Et donc, il y a une terrasse absolument exceptionnelle, et c'est un bar archi branché, il y a une musique d'enfer, enfin bon, ça marche très bien. Ouais, vous ne faites pas non plus, Louis, votre branché en disant c'est très connu, parce que vous me faites passer pour un idiot. Parce qu'avec Hervé, nous, on va à l'ancienne, on va dans un bar qui s'appelle Les Deux Plouques, et je peux vous dire qu'on a nos habitudes et ça marche très très bien. Il n'y a peut-être pas votre déco ultra moderne, mais en tout cas, je peux vous dire qu'au comptoir, ça marche. Bon, alors qu'est-ce qu'il a d'autre? Le Silencio également, c'est ça? Oui. La Sociale? Il fait de la musique à la sécurité sociale? Je ne sais pas, je ne connais pas. Les Nuits Fauves, le cinéma de l'entrepôt? C'est beaucoup. Ça, c'est ça. C'est les Nuits Fauves, le nouveau club. Alors, il faut vraiment que ce monsieur comprenne que c'est vachement bien qu'il ouvre des établissements. Tant mieux s'il réussit, tant bien mieux. Sûr. Mais il ne peut pas ne pas payer les fournisseurs. Ce n'est pas possible. Voilà. Alors, ceci étant dit, là maintenant, avec tous ces établissements, il n'y a pas un huissier qui pourrait aller bloquer les factures. Comment ça se passe dans ces cas-là? Déjà, il faut un titre. Bah oui, c'est-à-dire qu'il faut avoir une décision de justice. Donnons-lui un titre. Voilà. On va l'appeler Louis l'Empereur. Voilà. Je lui donne ça, un titre. Un titre exécutoire, Julien. Alors, effectivement, la première des choses, c'est d'obtenir une condamnation de ce débiteur. Une fois fois qu'il l'aura, il faut qu'elle soit définitive, c'est-à-dire qu'on va la signifier par huissier. Et puis après, on espère qu'il y aura un respect de cette décision de justice et donc un paiement. Sinon, il y aura une saisie. Ça peut tout à fait se faire. Cela dit, je pense qu'on pourrait quand même négocier un moratoire, et c'est tout à fait à la mode ces temps-ci, avec ce monsieur. Effectivement, il y a peut-être des difficultés de trésorerie aussi, mais on doit obtenir maintenant quelque chose. Alors, le club en question, vous, parce qu'on en a cité plein, c'est lequel, celui que vous avez agencé, Louis ? C'est les Nuits Fauves. C'est un nouveau club qui est en train d'ouvrir, là, donc il va être vraiment tout neuf. Donc j'imagine qu'il... Ah, il n'a pas ouvert encore ? Non, il est en train d'ouvrir. Attendez, on peut peut-être se déplacer tous pour l'inauguration. Oui, je pense qu'il pourrait tous vous inviter. Ça serait bien. Essayons de regarder sur Internet si quelqu'un sait quand a lieu l'inauguration des Nuits Fauves. On ira en délégation avec vous, Louis. On s'extasiera. Moi, je me suis permis de vous appeler, encore une fois, merci pour votre aide, mais je sais qu'il y a un grand nombre de sociétés qui sont des petites boîtes, comme la mienne, ou des boîtes plus grosses, qui ont des problèmes d'impayés avec ce type et avec ces établissements depuis déjà un grand nombre d'années, mais qui ne font rien. Ouais. Donc vous voyez, je porte un peu le truc, mais c'est pas que ça m'amuse. Nous continuons. En tout cas, nous demandons à Arnaud Frisch. Nous, tous les jours, on va y revenir. Vous voulez rajouter quelque chose ? Pour donner un exemple, j'ai contacté une personne, un professionnel qui louait à ce bar des écrans pour la Coupe du Monde, et il me racontait que pour être payé, il avait dû aller jusqu'à menacer de venir retirer les écrans une heure avant la finale de la Coupe du Monde. Non mais moi, ceci étant dit, Louis, malheureusement, c'est souvent comme ça que ça se règle, et moi, peut-être que vous et votre société, vous la ferez aller le jour de l'organisation de l'inauguration, et vous la dire maintenant, je récupère, mais bon, c'est de la déco. Vous l'avez fait déjà ? En fait, on a arrêté de travailler avec eux. Bon. On a coupé court la relation, parce que vous comprenez, on peut pas laisser des choses comme ça continuer, des factures impayées, alors qu'on essaie d'être arrangeant, de leur proposer des sujets entiers, de retravail. Voilà, on essaie de faire notre boulot, vous comprenez ? Allez-y, deuxième numéro possible avec Hervé qui tente quelque chose, il nous fera une alerte s'il a quelqu'un en ligne dans une seconde, peut-être que nous aurons une deuxième personne. Voilà, on demande à monsieur Arnaud Frisch du fond du cœur, on lui redit bravo pour tout ce que vous faites, des lieux branchés, c'est magnifique, mais à quoi ça sert de faire d'aussi beaux lieux si c'est pour faire des gens malheureux à côté et de ne pas payer les prestataires? Ce n'est pas possible. Alors peut-être qu'il y aura d'autres témoignages qui vont arriver. Monsieur Frisch, on parle de 8 700 euros. Quand on a le Wanderlust, quand on a le Silencio, quand on a la Sociale, quand on monte les Nuits Fauves, quand on a le Cinéma L'Entrepôt, je pense que 8 000 payés en 4 fois, ça ne doit pas être insurmontable. Merci, on y revient demain sur l'antenne d'RTL. De quoi parlerons-nous dans quelques instants? De Julie, on ne lui a toujours pas donné son solde de tout compte de 1 800 euros. Et si? Je me rappelle de ce cas. Et nous avons reçu pour la salle de sport apparemment un coup de fil. On nous a dit, on va vous l'envoyer, votre... Dans une heure, le numéro de contrat. Votre numéro de contrat. Alors attention, ça va bouger. RTL 11h-12h30. À la bonne heure, Stéphane Bern sur RTL. Oscarisé, plusieurs fois césarisé, c'est l'un des plus grands cinéastes que nous recevons dans À la bonne heure. Jean-Jacques Hano sera en effet parmi nous. Avec un ours ? Peut-être, mais je sais pas moi. Avec des loups, c'est possible. Avec des tigres. Bon, il fait ce qu'il veut, c'est Jean-Jacques Hano dans La Bonne Heure. Et La Bonne Heure sur RTL, c'est à 11h. À tout à l'heure. Et si on parlait Renault Occasion ? Chérie, montre à Martin nos photos de vacances. Alors ça, c'est notre Clio d'occasion, devant la plage de Biarritz. Et là, notre Clio d'occasion dans un village typique plus au sud. Ça a l'air beau ce village, derrière votre Clio. Et là, c'était la soirée tapas derrière notre Clio d'occasion. Ah oui, on peut pas la rater là. Vous allez être fiers de votre occasion. Avec Renault Occasion, bénéficiez de 3 ans d'entretien et de garantie pour 1 euro. Depuis le 1er janvier 2018, bénéficie aussi de la prime à la conversion gouvernementale chez Renault Occasion. Conditions sur Renault.fr. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, vous êtes prêt à partir ? Avec toi ? Jamais. Parce que là, il y a 5 croisières de rêve à gagner. C'est le grand jeu de lutte ? Ah oui, et jusqu'au 30 décembre, dès l'achat d'un produit de luxe, ils font gagner plein de cadeaux. 1000 cadeaux au total. Mais c'est Noël avant Noël. Et Noël rime avec Lidl, patron. Chaque semaine, ils mettent en jeu une croisière MSC, des smartphones, des séjours à Port-Aventura, des robots Monsieur Cuisine, des Wonderbox et des bons d'achat. Trop tentant, non ? Mais toi, tentant, t'es pas un cadeau. Vous êtes pas gentil, patron. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Règlement et participation sur Lidl.fr. Alors ? Je vois 5000 appartements neufs. 5000, c'est bon ça ? Oui, très très bon pour l'investissement. Je vois des logements idéalement situés avec des prestations de qualité. Excellent. Ensuite, je vois des taux bas et des mètres carrés offerts. Ah bon ? Combien ? 3. 3 mètres carrés, c'est génial. Et vous arrivez à voir tout ça dans une boule de cristal ? Ah bah non, je suis sur le site de Cogedim, c'est plus sûr. Il est mignon. Avant le 21 décembre, Cogedim vous offre jusqu'à 3 mètres carrés sur 5000 logements neufs. Cogedim. Vous verrez la différence. Plus d'infos sur cogedim.com. Avec les services Orange, retrouvez ce que Noël a de plus merveilleux. Moi, grâce à l'assurance 24 heures mobile, j'ai pu remplacer mon mobile que tu as cassé quand il est passé sous ta luge. Ben moi, avec l'assurance 24 heures mobile, le mien a été remplacé en 24 heures quand tu l'as fait tomber dans la neige. Oui, ben j'aurais bien voulu qu'ils en profitent pour te remplacer. L'assurance 24 heures mobile Orange remplace votre mobile en 24 heures en cas de casse, vol ou oxydation à partir de 2,99€ par mois. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Assurance du mobile utilisé sur la ligne Orange. Engagement 12 mois, contrat d'assurance souscrit par Orange auprès de Cardiff. Conditions en boutique et sur orange.fr. Auchan, et la vie change. Et pendant les 125 jours Auchan, ce sont les cadeaux de Noël d'Annabelle qui changent. Avec le pack Nintendo Switch Mario Kart 8 à 299,99€ et 10€ en cagnotte. Ce pack inclut également des enfants qui hurlent et qui sautent partout tellement ils sont contents. Mieux vaut le savoir. Aujourd'hui seulement, vos hypermarchés Auchan et Auchan.fr proposent le pack Nintendo Switch Mario Kart 8 édition de luxe à 289,99€ cagnotte déduite. Auchan. Éco-participation 60 centimes. Montant crédité sur votre compte Wahoo. Conditions en magasin et sur Auchan.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Nous allons faire, si vous le voulez bien, maintenant le point info, car il est pile 10h30 sur l'antenne d'RTL. Le point sur tous les cas, c'est la minute info. Nous avons démarré avec le cas de Eli. Sa salle de sport a été incendiée. Il attend maintenant d'être remboursé de son abonnement. La seule question qui se pose, la salle de gym était-elle assurée? C'est ce que nous essayons de savoir. Après avoir beaucoup parlé, après quelques raccrochages, après des noms d'oiseaux, le calme semble revenir, Hervé Pouchol. Comme j'arrivais pas à en placer une, il m'a proposé de lui envoyer un mail. Donc là, le ton s'est calmé. Il m'a répondu. Je vous communique dans l'heure qui suit et je lui ai demandé, bien entendu, le numéro de contrat de son assurance. Et nous en saurons plus, si ce n'est pas aujourd'hui. De toute façon, on y revient, le cas est prioritaire demain matin, pour savoir si Delphine et Petros Idé, les gérants de la société Idéal Forme à Sarcelles, étaient assurés. Nous avons attaqué ensuite un deuxième cas. C'était le cas de Louis. Le gérant d'une boîte de nuit lui doit à ce jour 8 700 €. Et nous avons lancé plein d'appels, Charlotte. Nous avons essayé d'avoir le patron de ce bar, monsieur Arnaud Frisch. Nous l'avons eu d'ailleurs quelques secondes, puis il a raccroché. Nous essayons aussi d'avoir son bras droit, monsieur Caton. Pour l'instant, pas de réponse. Eh bien, nous allons revenir demain sur ce cas, puisque les équipements ont été faits pour un club qui devrait ouvrir, qui devrait s'appeler Les Nuits Fauves, et le prestataire Louis n'a pas été payé. Et dans une seconde, nous allons revenir donc sur le cas de Julie. Pour la deuxième fois, des promesses avaient été faites, elles n'auraient pas été tenues. Son ancien employeur ne lui a toujours pas payer son solde de tout compte depuis octobre. On lui doit encore 1 800 €. Et tout ceci, ça sera bien sûr sur l'antenne d'RTL. C'est vrai que ce monsieur était énervé, mais il avait dit « Je vais la payer. Qu'elle m'envoie une feuille et je la paye. » Elle a envoyé la feuille, elle n'a pas été payée. We don't need no education. We don't need no thought control. In the classroom, teacher leaving kids alone. Écoutez-moi ça. Oh, franchement, quand on joue à ce niveau-là de la flûte traversière, je dis, on ne s'en prive pas. De Pink Floyd avec The Wall sur l'antenne d'RTL. Attention, Julie is back. Bonjour, Julie. Bonjour, Julien. Julie, on le rappelle, tout a commencé par ce message que vous nous aviez laissé avec tellement d'innocence dans votre voix. Je vous appelle de Seine-Maritime. Mon ex-employeur, pour lequel j'ai travaillé en Corse, refuse de m'envoyer mon solde tout compte de 1800 euros. À cause de mon état de santé confirmé par un médecin, j'ai dû retourner en Normandie et ne peux me déplacer. J'irai revoir ma Normandie. Malheureusement, Julie, nous avons appelé ce monsieur. Et ce monsieur nous a dit « Ok, elle n'a pas été clean, etc. » Je lui ai dit « Écoutez, on va trouver un accord, on ne va pas rester chacun sur ses positions. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'elle fasse, Maître Fellono, pour que ça avance ?» Et il fallait qu'elle envoie un papier, me semble-t-il. Il fallait qu'il se mette d'accord sur le compte. Oui, les charges de l'appartement, parce qu'il l'a logé. Voilà, exactement. Qu'il fasse les comptes entre eux, qu'il se mette d'accord sur un montant et qu'elle reconnaisse que ce montant était le bon. Elle devait envoyer une lettre en ce sens. Eh bien, réécoutons ce qui s'était passé sur l'antenne d'RTL ce jour-là. Est-ce que vous allez lui envoyer le chèque ? Mais bien sûr. Bon, alors, vous l'envoyez quand ? Bien sûr qu'elle va l'avoir. Alors, je peux la rappeler dans une semaine ? Elle l'aura d'ici une semaine ? Le temps que ça arrive chez elle, hein, écoutez. Malheureusement, le facteur n'a pas pris le bon chemin. Il est parti de Corse. Et ce couillon, au lieu de foncer vers la France, le bateau est parti dans l'autre sens. Il s'est retrouvé à Carthage et il a dit, mais il ne reconnaît pas. Et donc, il a fallu faire demi-tour. Et là, deuxième temps, il se plante encore. Et vas-y que je passe au sud du Portugal pour remonter par l'Antarctique. Au bout d'un moment, le chèque n'est toujours pas là. Bon, donc, Julie, je suppose que si vous m'appelez, c'est que vous n'avez rien reçu. Non, effectivement, j'ai rien reçu. Moi, j'ai bien envoyé la lettre comme on s'était mis d'accord. Je suis passée dans l'émission le 14. Le 14, l'après-midi même, le courrier partait avec accusé de réception. J'ai reçu l'accusé de réception quelques jours après. Ils l'ont reçu le 16 précisément. Blanche de Grandvilliers. Vous avez les documents voilà, sous les yeux ? Les documents sous les yeux, je confirme. Ça fait donc 15 jours que là, le facteur a bien fait son travail, Julien. On a la signature sur le courrier recommandé. Eh bien, nous pouvons appeler immédiatement. Non, dans une seconde, me dit-on. Nous allons rappeler ce monsieur qui se trouve dans cette île magique, qui se trouve la Corse. Ça s'était passé... comme on l'aime en plus, c'était un dialogue voilà, entre... on s'était dit « Oh !» Il m'a fait « Eh !» Voilà, c'était comme ça. Et on avait trouvé un accord. J'étais persuadé, moi, que ça serait réglé. Ben, voyez, ça ne l'est pas. Donc, je vais donc rappeler dans une seconde. On a d'autres cas en suspens ? Oui, on a Anne-Laure et ses robes de mariée. Elle a voulu faire de la pub pour sa nouvelle boutique de robes de mariée. Le prospectus. Elle a payé les prospectus et les prospectus n'ont pas été distribués. Et puis, il y a la cause animale avec vous, bien évidemment. La minute de Blanche de Grandvilliers qui aime les animaux, qui les défend. Elle nous en dira plus. À tout de suite. Et voilà, Madame Girard, une chaudière toute neuve aux normes PEB. Avec ça, vous allez maximiser votre PCI sans consommer plus de FOD. Le tout éligible au CITE, évidemment. Hein ? Chez Volkswagen Véhicules Utilitaires, on vous comprend. Bénéficiez d'un crédit bail exceptionnel à 0% sur Caddyvan et Transporter Van jusqu'au 31 décembre seulement. Trouvez le vôtre disponible immédiatement sur lemien.fr. Crédit bail 0% sur 36 mois, 90 000 km sur Caddyvan et Transporter Van dans la limite des stocks disponibles jusqu'au 31 décembre 2018 sous condition d'acceptation par Volkswagen Bank. Détails sur lemien.fr. Leclerc. Chérie, tu notes mercredi 5 décembre chez Leclerc, 50% de tickets Leclerc sur toutes les décos de Noël. Toutes les décorations de Noël ? Oui madame, les boules, les guirlandes, les décos de Noël électriques, le tout avec 50% de tickets Leclerc. Je vais te faire un de ces sapins. Chez Leclerc, nous défendons aussi vos comptes de Noël. Le 5 décembre, bénéficiez de 50% de tickets Leclerc sur toutes les décorations de Noël. Voir modalités et magasins participants sur www.e.leclerc. 50% de tickets Leclerc sur la déco de Noël ? Mercredi 5 décembre seulement. Erectus, c'est le roman choc de Xavier Muller. Des lecteurs unanimes, impossible de s'arrêter. Une histoire qui fascine autant qu'elle horrifie. Un roman si crédible que cela en devient effrayant. Un tour de force. Pour Bernard Lehu, RTL, un scénario fou, une révélation. Erectus de Xavier Muller, un livre XO. Passez de bonnes fêtes de fin d'année et bonne journée avec RTL. Bonjour, c'est Bernard Sabat. Les vacances approchent, mais avez-vous pris toutes les garanties pour partir sereinement ? Avec la PST, l'Association professionnelle de solidarité du tourisme, vous êtes totalement protégé. En cas de défaillance du professionnel du tourisme qui a préparé votre voyage, vous partez quand même. Au pire, vous êtes remboursé. Pour reconnaître les 3600 membres de la PST, cherchez la petite coccinelle sur leur vitrine. La PST, la garantie financière de vos vacances. Pendant ce temps chez Renault, la French Touch Renault fait son palmarès. Meilleurs effets spéciaux, Mégane avec l'affichage tête haute et toutes les infos réunies dans le champ de vision. Meilleur scénario, Mégane avec Multisense. En mode sport ou en mode confort, elle joue toujours juste. Et prix du meilleur prix, Mégane, bravo! Renault reprend votre voiture 4000 euros en plus de sa valeur pour l'achat d'une Mégane. French Touch touche française. Offre valable jusqu'au 31 décembre sur toute la gamme Mégane. Voir Renault.fr. Il y a toujours une bonne occasion pour commander Flunch Traiteur. Vous venez d'avoir votre premier bébé, ou c'est la première neige de l'année, Flunch Traiteur. Quand c'est la fête chez la voisine, ou la flemme de faire la cuisine, Flunch Traiteur. Votre fils a eu la moyenne en maths, Flunch Traiteur. Et pour les fêtes sans mettre la main à la pâte, Flunch Traiteur. Toutes les occasions sont bonnes pour commander votre repas de fête en quelques clics sur flunch-traiteur.fr. Jusqu'au 12 décembre, tentez de gagner votre repas de fête. Voir conditions et règlements sur flunchtraiteur.fr. Vous écoutez le 9h30. Je me tue à le dire à tous ceux qui veulent bien m'écouter, il n'y a que chez Flunch qu'on peut fluncher. Alors Charlotte, que s'est-il passé ? Nous avons eu un retour de l'assureur MMA pour le cas de... Excusez-moi, Xavier Kassovitch est en train de préparer l'anniversaire de sa fille qui aura lieu ce week-end. Il est en train de faire une playlist, donc il ne peut pas, le malheureux, à la fois préparer la playlist de l'anniversaire de sa fille et vous laisser parler. Donc l'anniversaire, on le met de côté quelques instants et il vous ouvre le micro. Allez-y. On revient sur le cas de Ellie, cette salle de sport incendiée et les remboursements qui n'ont pas été effectués aux abonnés. Eh bien, nous avons eu un retour de l'assureur présumé de cette salle de sport, MMA. Malheureusement, les bases de données, toutes les bases de données de MMA ont été fouillées. Il n'y a pas de client au nom de cette société Ideal Form ni au nom de Monsieur Idé. Donc, il nous faut, et nous le rappellerons, non pas pour l'embêter, mais vraiment pour qu'il rassure tout le monde. Je crois que c'est très important ce que l'on est en train de dire en ce moment sur l'antenne d'RTL. Il se pourrait, et je mets ça au conditionnel, que Delphine et Petros, Idé, gérant de la société Ideal Form à Sarcelles, ne soient pas assurés. Alors peut-être que dans la confusion, le fils, mais ça fait quand même deux fois qu'on nous dit que c'est MMA, c'est trompé d'assurance, peut-être qu'ils sont assurés ailleurs. Soyez sympas, ne faites pas la politique de l'autruche. Delphine et Petros, Idé, dites oui ou non. Si vous n'êtes pas assurés, au moins qu'ils le sachent, et ne faites pas croire aux gens qu'ils vont être remboursés s'ils ne le sont pas, qu'ils puissent passer autre chose. Donc parlez-nous, dites-nous la vérité, mais maintenant, ouvrir une salle de gym avec les risques qu'il peut y avoir et ne pas être assuré, il faut avoir du courage. C'est pour ça que je pense qu'il y a une assurance quelque part et ils l'ont oublié, je ne sais pas, mais il faut qu'ils nous parlent. Donc on y revient demain, Delphine et Petros, Idé. Mais ceci étant dit, il nous a dit que d'ici quelques minutes, moins d'une heure Hervé, il nous donnerait le contrat d'assurance. Oui, et ben il vient juste de m'envoyer un petit message où il me demande de l'appeler. Bon, on va l'appeler en direct. Ah bah, on y va, on l'appelle en direct, c'est incroyable. Ça va être en tant mieux. Alors on diffère pour l'instant tout ce qu'il y a à faire. Il n'y a que la minute animale que l'on fera, ça c'est sûr, parce que c'est une obligation. Mais là, on avait un cas, je demande juste à cette jeune fille, notre auditrice, d'attendre un peu. Allô ? Donc ça devrait sonner du tout. Oui, bonjour. Donc, oui, bonjour. Julien Courbet de nouveau. On vient d'appeler MMA, monsieur. Je l'ai écouté tout à l'heure. Alors, vous êtes assuré où, monsieur, s'il vous plaît ? Je ne veux pas vous embêter, mais c'est pour oui, vos clients. En fait, on est chez MMA, mais ce courtier, c'est CAE. Oui, mais ça revient au même, parce que MMA, ils ne vous ont pas trouvé. Alors, CAE, on va appeler. CAE, il se trouve où ? CAE. Vous ne savez pas ? Attendez, je vous ai le numéro. Juste deux petites secondes. C'est très gentil. Bah, récupère-le, Hervé. Bon, super. Alors, le courtier va peut-être effectivement... Rappelons la différence entre un courtier et un assureur. Rapidement, Maître Fellono. Alors, le courtier d'assurance, contrairement à l'agent, n'est pas membre de la compagnie. C'est un indépendant. Il a le droit de vendre toutes les compagnies d'assurance qu'il veut. Vous lui dites, je veux assurer ma voiture. Il me dit, le mieux que j'ai actuellement, c'est du AXA, c'est du Generali, c'est du d'accord. Il vous trouve le meilleur rapport qualité-prix et vous propose un contrat. D'accord. Bon, alors, voilà. On va voir ce courtier. Écoutez, moi, je suis pour que l'on... Vraiment, j'ai de l'espoir dans ce dossier. On ne peut pas monter un club de gym sans être assuré. Maintenant, on revient sur Julie. Donc, Julie, en deux mots. Julie a travaillé cet été et elle n'a toujours pas reçu son solde de tout compte, 2800 euros. C'est parti, on lance l'appel. Ça devrait sonner d'une seconde à l'autre. On appelle pour Julie. J'espère que monsieur... Bonjour. Oui, bonjour madame. Est-ce que monsieur Orsini est là, s'il vous plaît ? Bonne question. Je vais aller regarder. Merci beaucoup. Elle est très gentille, cette dame. Donc, nous sommes... Dans quelle ville, déjà? Je ne m'en rappelle plus, Julie. Léria. Pardon, Léria. Aléria. Ah oui, bah, je connais bien. Aléria. J'ai pris tes cuisses pour tes bras. Et quand je m'en suis aperçu, j'avais ma bouche sur... Alors attention, est-ce que ça répond ou pas, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a quelqu'un... Vous ne connaissiez pas cette version? Mais franchement, j'étais contente de ne pas la connaître. Ben, c'est une confusion que beaucoup font, malheureusement. Vous savez, il fait noir, on ne sait pas. Alors, on a la maman de Monsieur Orsini. Ah, bonjour, madame. Bonjour. C'est Julien Courbet à l'appareil, madame. Oui, c'est la radio RTL. Je suis navré de vous déranger. Voilà, vous êtes gentille. Vous nous aviez la dernière fois dit qu'elle envoie son courrier. Elle a envoyé son recommandé, apparemment. Oui. La petite a reçu le chèque. Son courrier est parti ce matin en lui précisant. Alors écoutez-moi bien parce que c'est quand même important que vous le sachiez. Elle est très méfiante donc vis-à-vis de nous, mais elle m'envoie son autorisation donc de déduire le montant qu'elle nous doit. Oui. On est d'accord. Sauf qu'elle ne me renvoie pas son solde de tout compte. Je serai quand même. C'est une fleur que je lui fais. Vous savez, de lui envoyer son chèque. Elle devait le retirer à l'entreprise, elle ne l'a pas fait. Oui. Donc c'est une fleur qu'on lui fait. Donc elle est méfiante. Donc nous aussi, elle est très procédurière. Alors, donc elle me renvoie son solde de tout compte. Je lui ai envoyé son courrier ce matin, il est parti. Qu'elle me renvoie son solde de tout compte signé qu'elle a depuis au moins un mois. Et moi, je lui ai fait partir son chèque, il n'y a aucun problème. Mais attendez, pourquoi il faut... J'ai pas bien compris, mais c'est pas méchant, madame, c'est parce que je comprends pas. Pourquoi il faut qu'elle vous renvoie le solde de tout compte? Ben, il faut qu'elle me le renvoie signé. Je vais lui envoyer un chèque, alors qu'elle ne m'atteste pas que elle est bien d'accord avec son solde de tout compte. Ah. Donc elle peut encore partir en procédure, on est d'accord. Donc, elle peut encore contester. Mais alors, donc moi, pour pas qu'il y ait de contestation, oui, qu'elle me renvoie son solde de tout compte signé, le chèque est prêt, déduit de la facture qu'elle nous doit, il n'y a aucun problème. Moi, j'ai besoin d'une preuve, comme mais quoi elle est d'accord avec son solde de tout compte. Mais, alors, effectivement, madame, bonjour, maître Fellono, l'appareil. Mais le solde de tout compte, initialement, sa position, ne porte pas le même montant, puisque c'est un montant revu à la baisse, où elle a donné son accord en vous envoyant cette lettre recommandée. Alors, est-ce que dans votre courrier, vous lui avez refait un solde de tout compte avec le bon montant? Je ne lui ai pas refait un solde de tout compte. Ah, ben madame, elle signera un document qui est conforme à votre accord pris bilatéral et elle ne va pas signer un accord. Et c'est pour vous protéger que je vous dis ça, madame. Oui, à 1801 euros. Je tiens à me protéger parce que là maintenant. Oui, mais si on elle signe 1801 euros. Écoutez-moi, madame, écoutez-moi. Non, attendez, il faudrait peut-être arrêter un petit peu là, s'il vous plaît. Elle était encore, si elle devait venir chercher son solde de tout compte. C'est une fleur que. De lui envoyer son chèque alors qu'elle était sur place. Les employeurs sont harcelés par des gens qui sont procéduriers. Nous lui devons une somme d'argent, il n'y a aucun problème. Elle l'aura. D'accord ? Qu'elle m'envoie son solde de tout compte. Mais avec quel montant dessus, madame ? Alors, je vais encore payer 100 euros de comptable pour lui refaire son solde de tout compte. Ah, comme bien. Ça, il n'y aura plus de problème. Alors, qu'est-ce qu'elle doit marquer chaque sur le courrier ? Qui part, c'est 100 euros, monsieur. D'accord. Qu'est-ce qu'elle doit marquer sur le courrier pour qu'il n'y ait pas de... Madame, je suis moi-même chef d'entreprise, j'étais au prud'homme pleine fois. Bien sûr. Je connais l'histoire. Maintenant, voilà. Les torts sont des deux côtés, je vous l'assure. Pas du tout. Bon, alors, ok. Là, c'est la méchante. Ok, madame. C'est la méchante. Vous êtes la gentille. Si vous voulez, on dit ça sur l'antenne. Maintenant, dites-moi pour qu'on en finisse. Dites-moi pour qu'on en finisse. Qu'est-ce qu'elle doit. Oui. L'employeur qui doit aller les d'accord. Chercher. Qu'est-ce qu'elle doit vous envoyer comme lettre, madame, s'il vous plaît. Dites-moi ce qu'il doit y avoir marqué dessus pour que vous puissiez la payer. Moi, alors je vais lui refaire faire son solde de tout compte. Je vais encore payer. Hein, on est d'accord. Moi, je vais encore payer pour refaire un solde de tout compte. Oui, on l'a dit, 100 euros. En déduisant ses 122 euros, je lui renvoie son solde de tout compte signé de ma part, parce que le mien est déjà signé. Elle me le renvoie signé, et à ce moment-là, le chèque partira. Bon, est procédurière. Ok, donc, Julie, est-ce que ça vous va, Julie? Moi, ce qui m'ennuie, c'est de signer un solde de tout compte alors que je n'ai pas le chèque en contrepartie. Je veux dire, j'ai déjà fait un pas. Alors, maintenant, je vais vous dire un truc, Julie. Si j'ai un conseil à vous donner à toutes les deux, vu l'état maintenant de vos relations, allez au prud'homme. Voilà. Et le juge, allez au prud'homme. Bah, on va y aller au prud'homme. Mais non, mais c'est pour les deux que je dis ça. C'est pas pour vous défendre, vous, ou vous la défendre elle. Quand vous n'arrivez plus à discuter comme ça, vous allez au prud'homme et on n'en parle plus. Voilà, Julie. Mais c'est pour ça. Mais elle est c'est en Corse, madame. Elle habite en Bretagne. Normandie. En Corse, monsieur Courbet. Elle était en Corse. Bon, ok. Écoutez, voilà. Qu'est-ce qui l'a empêché de venir? Julie, elle a fait 600 madame, je ne donne raison à personne. Voilà, Julie, d'accord. Allez déposer un truc au prud'homme et on n'en parle plus. Elle franchement. Elle va au prud'homme, il n'y a aucun souci, mais il faut qu'elle se déplace.

une amende. Et ça, ça avait été refusé. Le ministre de la Justice avait dit non, il faut une expertise technique, il faut une analyse juridique, on ne peut pas faire cette amende immédiate. Or là, cet amendement a été adopté. Alors attention, attention, il y a une commission mixte qui se réunit pour en discuter. Il n'est pas encore certain que l'amendement soit adopté. En revanche, ce qui serait bien, ce serait de faire des mesures cohérentes. Et d'ailleurs, certaines associations dénoncent, disent que c'est une petite avancée, mais finalement, ça ne résoudra pas les problèmes. Et c'est pour ça que nous, le groupe de travail, nous voulons absolument faire un code autonome pour un statut juridique de l'animal. Et puis, il y a une autre solution. Vous faites un petit courrier à votre député. Monsieur le député, je défends, si vous la défendez, vous n'êtes pas obligé de le faire. Je défends la cause animale, j'estime que les animaux sont maltraités. Je vous demande de voter toutes les lois en faveur de la défense des animaux. Sinon, ma voix ira à quelqu'un d'autre aux prochaines élections. Si tout le monde faisait ça, je peux vous dire que ça avancerait beaucoup, beaucoup plus vite. Merci en tout cas, Blanche de Grandvilliers. Nous aimons ici les animaux et nous essayons de tout faire pour qu'on les protège et qu'ils ne soient plus battus ou maltraités. Revenons sur le cas de Marie-Pierre. Voilà ce qu'elle nous avait dit sur l'antenne d'RTL. Je vous appelle de la Manche. Un site internet spécialisé me doit 690 euros depuis des mois. J'ai comme l'impression qu'il me fait tourner en bourrique. À défaut de remboursement, j'ai plein de fausses promesses en stock. Alors nous avions eu un responsable d'Oscaro.com qui s'est engagé à rembourser rapidement. Où en est-on, Marie-Pierre ? Bonjour Julien, le lendemain... Allô ? Oui, je vous entends. Bonjour. Bonjour. Le lendemain du passage, donc Régine Lasque qui a pris ma place à l'émission, là. Donc le lendemain, on a reçu par lettre recommandée le remboursement. Eh bien c'est parfait. Voilà, bravo Oscaro, ça fait partie des gens, encore une fois, quand on les appelle, ça règle le problème immédiatement, c'est des gens sérieux. Je vous souhaite un joyeux Noël. Merci à toutes les équipes. À bientôt. Merci beaucoup. Le point info sur tout ce qui s'est passé. Dieu sait qu'il s'est passé des choses, mais il va surtout s'en repasser demain parce qu'on va revenir sur tous les cas qui ont bloqué. Le point sur tous les cas, c'est la minute info. Le cas d'Élie, la salle de gym. Une salle de gym qui a été incendiée. Il attend donc d'être remboursé de son abonnement. Bon, alors, écoutez, on a eu un numéro de courtier à la dernière minute puisqu'on veut savoir si cette salle a été assurée ou pas. J'ai appelé à deux reprises. Malheureusement, le courtier est sur messagerie. Bon, on appelle demain le courtier pour savoir si cette salle de gym est assurée. Soyez là entre 9h30 et 11h. Deuxième cas, celui de Louis. C'est la boîte de nuit cette fois-ci. Il a créé toute l'installation lumineuse pour une nouvelle boîte de nuit. Le gérant du club lui doit 8700 euros. Et il nous faut absolument avoir le responsable qui monte plein d'établissements dans Paris mais qui n'a pas payé, d'après ce que nous dit Louis, qui n'a pas payé les factures. On a essayé d'avoir Monsieur Frisch en ligne, le gérant de ce club. On l'a eu quelques secondes, il a très vite raccroché et depuis il est sur messagerie. Alors si Monsieur Frisch, Arnaud, gérant de la société Wanderlust, mais qui également, je crois, gère le Silencio, la sociale, et qui devrait ouvrir les Nuits Fauves où Louis a travaillé, s'il pouvait le payer, ça serait bien. Et s'il pouvait nous parler pour nous dire qu'on se trompe, il est le bienvenu. Pour le coup, là, c'est open bar pour lui, il ne paiera pas le passage. Nous avons Julie et son CDD en Corse. Oui, elle attendait son solde de tout compte de 1800 euros depuis cet été. Bon, Julie va nous dire demain si elle décide d'aller au Prud'homme ou de faire ce courrier. En tout cas, demain, on revient sur tout ça, mais il y aura aussi du cas inédit. Et j'en profite pour vous dire que le 12 janvier, voilà un beau cadeau pour Noël. Moi, je vous donne rendez-vous au Casino de Bordeaux. Je reviens sur mes terres pour le One Man Show. On va faire une spéciale Bordeaux. C'est le 12 janvier, Casino Barrière de Bordeaux. A tout de suite. Auchan, et la vie change. Et pendant les 125 jours Auchan, ce sont les cadeaux de Noël d'Annabelle qui changent. Avec le pack Nintendo Switch Mario Kart 8 à 299,99€ et 10€ en cagnotte. Ce pack inclut également des enfants qui hurlent et qui sautent partout tellement ils sont contents. Mieux vaut le savoir. Aujourd'hui seulement, vos hypermarchés Auchan et Auchan.fr proposent le pack Nintendo Switch Mario Kart 8 édition de luxe à 289,99€ cagnotte déduite. Auchan. Éco-participation 60 centimes. Montant crédité sur votre compte Wahoo. Conditions en magasin et sur Auchan.fr. Rétro-chic, métal doré ou forme graphique, grâce à Grand Optical, j'ai le choix entre tous les styles de lunettes pour me faire plaisir à Noël. C'est Noël chez Grand Optical. Pour l'achat d'une paire de lunettes, nous vous offrons une paire de solaires. Avec Grand Optical, offrez-vous le meilleur de la santé visuelle. Grand Optical, rien n'est trop grand pour moi. Et moi. Du 4 décembre au 8 janvier, voir conditions en magasin et sur grandoptical.com. Dispositif médical CE. Intersport. Avant, Philippe prenait son temps pour trouver ses cadeaux. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Mais depuis qu'il sait que l'offre Nike est en quantité limitée... Ouais, finalement, je vais courir. Jusqu'au 9 décembre, célébrons Noël chez Intersport. Avec une sélection de produits Nike jusqu'à moins 50%. Par exemple, les chaussures Nike Air Max Command Flex Junior sont à 49,99€ au lieu de 99,99€. C'est 50% de réduction et 100% d'idées cadeaux en plus. Intersport, le sport, la plus belle des rencontres. Conditions et listes des magasins participants sur intersport.fr.